10 ans. Par contre, ça va être très très rapide. C'est un peu un temps de décryptage du sujet. Alors, je vais tourner vers Antoine qui avait un peu une fonction un peu de décryptage. Vous avez bien écouté Véronique qui vous a mâché le travail quand même. Véronique Roussel a planté un décor sur ce qu'était l'urbanisme rural, le lien avec le développement local qui permet, voilà. Mais c'est un temps de décryptage et puis un temps de dire, mais pourquoi c'est important de parler d'urbanisme rural? C'est quoi les enjeux? Est-ce qu'il y a des enjeux spécifiques? Il y a des enjeux spécifiques pour les territoires périurbains et ruraux. Hein, et puis, quelles sont ces spécificités, justement, et quel lien avec le développement local, comment l'urbanisme se marie avec le développement local et peut être un outil au service du développement local. Alors, pour évoquer ça, ça va vraiment être en dialogue avec trois personnes. Alors, une qui vient de loin, hein, c'est Stéphane Grasser. Vous êtes gérant et cofondateur d'une SIC, vous nous en direz un petit peu plus, mais une sorte d'agence d'urbanisme, parce que si jamais il y a des vraies agences d'urbanisme dans la salle, ils vont dire comment ça, une agence d'urbanisme à Faux-la-Montagne en Creuse. Donc c'est une sorte d'agence d'urbanisme, comme vous l'avez compris, essaye d'innover, d'accompagner, on y reviendra sur ces questions d'urbanisme en milieu rural et avec une touche très fortement participative. Mireille Charmont-Munet, vous êtes maire d'Artemar. Et vous êtes vice-présidente de la communauté de communes du Bugey Sud, c'est celle de Belay, pour Péret, voilà. Et vous êtes également présidente du SCOT du Bugey, qui est en cours de construction. Hein, le plan d'aménagement et de développement durable va être mis vraiment sur chantier à l'automne. On commence à y travailler dès maintenant, mais le diagnostic est quasiment finalisé. Voilà, vous êtes également, en tant que maire, membre de la commission urbanisme de l'Association des maires de France. Hein, voilà. Pour témoigner en tant qu'élu sur cet enjeu. Et puis, Pierre-Antoine Landel, vous êtes enseignant-chercheur en géographie et aménagement à l'université de Grenoble-Alpes. Alors, c'est peut-être vers vous, Pierre-Antoine, que j'ai envie de me tourner. Alors, il faut qu'on m'allume la bête et que je vous la donne. Ah, si, ça marche, c'est bon. Voilà. Oui, Pierre-Antoine Landel, je pense que ça serait intéressant que vous nous donniez, alors assez rapidement, je sais que le temps nous est compté, des points de repère un peu historiques de l'urbanisme en milieu rural. À quel moment ça va? Je vais essayer d'aller très très vite, parce que ce qui est apparu ce matin dans les définitions, c'est que l'urbanisme, c'est à la fois une discipline, une science, mais c'est aussi une pratique. Et que ce qui est intéressant, c'est de permettre un dialogue entre ces deux approches. Et bien évidemment, vous avez vu, je suis un petit peu géographe, et je m'intéresse beaucoup à l'histoire. Et pour moi, le geste fondateur, c'est 1884, qui a une loi qui a donné un statut aux communes, et ce statut fait apparaître que les communes ont obtenu, au moment de la mise en place de la Troisième République, ce qu'on appelle la clause de compétence générale, dont on parle beaucoup. Ce qui fait que toutes les communes se saisissent de toutes les questions qui les concernent, bien évidemment, avec les moyens dont elles disposent. Mais, à mon avis, ça fait des communes des mini-souverainetés. Hein, ce modèle de la souveraineté dont on parle beaucoup ces jours-ci, avec la mort de Louis XIV, mais il a perduré longtemps après, et perdure toujours, à mon avis. Il a très fortement marqué cette approche communale de l'urbanisme, et ça a été décrit très bien par Bertrand Hervieux dans un ouvrage qui s'appelle L'archipel paysan, dans lequel il disait qu'en fait les conseils municipaux se sont transformés en 30 000 copropriétés autogérées par les paysans propriétaires. Et que ça a été une marque de fabrique de l'urbanisme, entre guillemets, rural français, dans lequel pendant de nombreuses années, il s'est agi avant tout de se répartir les droits à construire. Et ça, ça a fortement marqué notre culture de l'approche de l'urbanisme en milieu rural. Après, ça a été rejoint par d'autres mouvements, en particulier tous ceux qu'on peut rapprocher de cette notion d'égalité des territoires, qui est très profondément français, et dans laquelle on assiste actuellement à de profonds débats sur cette notion d'égalité. On a acquis l'égalité des droits, en particulier des droits des services, des droits d'accès aux services, qui est très très fortement remis en cause actuellement, pour l'égalité des places, dans lesquelles il y a eu une capacité très très rare au moment de l'histoire de France de répartir l'aménagement du territoire, de au moment de la libération française, au moment où il s'est agi de reconstruire la France et donc de disposer avec ordre, dans lequel il y a une puissance de l'État qui s'est profondément affirmée, mais qui s'est aussi affaissée au moment de la crise et qui a affirmé la notion de projet, la notion d'aménagement projet qui s'est vue au moment des grandes lois de 2000. Et puis maintenant, je voulais terminer par vous proposer une définition, une petite définition qui sort de 2015, mais qui a été construite au niveau mondial. C'est assez intéressant. On ne parle pas d'urbanisme, on parle de planification urbaine et territoriale. Et ça tient en quatre lignes. Un processus décisionnel, une décision intégrée et participative. Alors là, on sort de la culture française. Là, c'est un processus participatif destiné à atteindre des objectifs économiques, sociaux, culturels et environnementaux grâce à l'élaboration d'une vision commune. Là, on voit le bien commun, qu'est-ce que c'est que le bien commun, d'où il vient, etc. De stratégies globales de développement et de plans territoriaux à différentes échelles. Et je crois que ça résume bien là où on en est aujourd'hui, dans une complexité, mais cette complexité mettant au niveau central la question de la citoyenneté, la question du débat, la question de la façon dont on prend les décisions, à différentes échelles, au travers d'une vision commune et partagée. Oui, je ne retrouve pas le mot la spatialisation, parce qu'il me semble que dans ce qu'apporte l'urbanisme, notamment au développement local, c'est de se dire, mais où est-ce qu'on va mettre telle chose, enfin, voilà, est-ce que c'est dans la territoire Ils ont mis le mot plan territorial. Plan territorial. Planification, etc. Mais voilà, on pourra aussi parler d'improvisation. Oui, alors je lui proposerais bien, Mireille, Charbon Minet, peut-être déjà en tant qu'élu local, prenez le micro, est-ce que vous vous sentez dans la définition de 1884, là, la souveraineté, est-ce que vous sentez un peu, quand vous arrivez élu il y a une dizaine d'années? Donc je suis maire depuis 2001 d'une petite commune de 1200 habitants, et oui, bien, cet avis de 1884, je l'ai ressenti pleinement, puisque j'ai eu la surprise, au surlendemain de mon élection, d'avoir une annulation d'un poste que l'on croyait révisé, en tout cas pour lequel les documents semblaient avoir été terminés. Donc on s'est retrouvé sans document de poste, et c'était juste après la loi SRU de 2000. Donc je me suis retrouvée avec l'application d'un poste de 1972. Donc on a bien vu s'exacerber à ce moment-là tous les liens des propriétaires terriens autour, sentant qu'il y avoir un appel d'air pour la construction. Voilà. Alors, quand nous avons pris contact ensemble, vous m'avez dit, quand je suis arrivée élue, en fait, l'urbanisme, même pas, c'est à la fois quelque chose de technique, lointain, et il y avait d'autres choses beaucoup plus intéressantes. Oui, quand, c'est vrai que, sincèrement, l'urbanisme, mais c'était pas a priori mon truc. Je ne voyais pas, hormis l'examen un petit peu lié à la curiosité, l'examen des permis de construire, je n'avais vraiment aucune culture d'urbanisme. Et le fait de se retrouver, comme je viens de le dire, sans plus aucun document d'urbanisme, où il a fallu immédiatement se mettre à réfléchir, et je pense que c'était la chance de notre commune, puisque la loi SRU venait de sortir, c'était l'occasion d'enfermer dans un placard tous les anciens documents et de repartir à zéro et de vraiment se réinscrire dans l'esprit de la loi SRU et de véritablement s'engager à travailler sur un projet pour la commune. Et c'est véritablement ce qui m'a ouvert les yeux et donné tout l'intérêt pour tout ce que recouvre l'urbanisme. Alors, est-ce qu'en quelques mots, vous pourriez dire justement ce que vous avez découvert comme intérêt, comme atout, comme à s'emparer de ces questions d'urbanisme? Eh bien déjà, ne serait-ce que connaître plus finement sa commune. vous découvrez, bien sûr, vous avez l'habitude de connaître l'agencement des rues principales, mais vous ne connaissez pas tous les contours de votre commune, tous les autres intérêts environnementaux notamment. L'histoire d'Artemare disait toujours que la commune d'Artemare, elle est sous le signe de l'eau puisqu'il y a trois rivières. Eh bien, ça a été l'occasion de les découvrir, de voir ce qu'elles recouvraient, comme elles dessinaient notre village. Toute la notion de paysage a pris tout son sens à ce moment-là. Et puis, ça nous a permis, au-delà de tout ça, d'imaginer, parce qu'il fallait bien avancer aussi pour la commune, d'imaginer la réorganisation de notre centre-ville, de la zone d'évolution de l'économie, etc. Ça a été, pour l'ensemble du conseil municipal d'Artemare, finalement, un vrai plus de s'être retrouvé avec rien pour construire quelque chose. Donc, comprendre, se projeter et prendre des décisions. Et s'approprier. Et décider pour l'avenir. Alors, à l'époque, pour la commune, on reviendra sur le côté intercommunal et puis sur ce qui nous occupe pas mal en ce moment, qui est la construction du SCOT. Mais c'est pas grave, Pierre-Antoine est venu avec une définition 2015 de l'urbanisme qui doit vous plaire. Alors, peut-être déjà dire d'où vous parlez, hein, parce que ce que c'est que cette SIC, Larban, au fin fond de la Creuse. Un fou à la montagne. Alors, qu'est-ce que l'arbre au fin fond de la Creuse ? Effectivement, c'est un outil de développement rural. L'arbre est en fait une société coopérative d'intérêt collectif. C'est un des modèles particuliers de coopérative qui a ce site particulier, c'est qu'elle intègre dans ce qu'on appelle son sociétariat tout type de personnes physiques ou morales. C'est-à-dire que dans les sociétaires, dans les actionnaires de l'arbre, vous allez retrouver aussi bien des gens, des habitants du territoire, ou des associations qui s'impliquent sur des questions de développement, pas seulement d'urbanisme, de développement de tous azimuts, mais également des collectivités. C'est la grande particularité. Parmi l'actionnariat de la SIC, vous allez par exemple avoir le parc naturel régional de Millevaches, vous allez avoir le conseil général de la Creuse, des intercommunalités du territoire, des communes. Et pour en finir avec ces quelques éléments de définition, pour situer d'où je parle, en l'occurrence, l'Arban est un outil qui a été donc conçu par ce collectif, on va dire, de personnes et de structures pour œuvrer sur deux champs, deux dimensions importantes que sont les questions d'habitat, de logement et plus généralement d'urbanisme et d'aménagement. Nous sommes en matière d'urbanisme et d'aménagement. Alors effectivement, le terme d'agence d'urbanisme est peut-être un peu outrancier dans la mesure où nous ne sommes pas une agence d'urbanisme telle qu'on les trouve dans les zones urbaines. On peut parler aussi d'ateliers d'urbanisme rural. Simplement, nous agissons sur ces questions d'aménagement au service, finalement, du territoire sur lequel nous nous situons. Et c'est en ça, d'ailleurs, qu'on peut faire le parallèle avec ces notions de développement local. Nous sommes un outil de développement au service du territoire et de ses acteurs. D'où le parallèle qu'on peut faire avec cette question. C'est quoi le déclencheur qui fait que vous créez cette agence en milieu très rural, hein, parce que je crois que pour la montagne, on est dans un milieu très rural. Alors, on est dans un milieu très rural, effectivement, puisqu'on est sur un territoire sur lequel les densités frisent le chiffre hallucinant de 7 à 8 habitants au kilomètre carré. Voilà, et derrière cette question, ma question sur le déclencheur, c'est évidemment comprendre pourquoi créer un outil pour l'urbanisme dans un territoire où, a priori, on voit que le mot urbain, hein, ça a été dit par Véronique, l'urbain, c'est la ville. Mmh. Alors, urbain, c'est la ville, certes. Pour autant, je vais en revenir à la question du déclencheur, puis on en a cette notion d'urbanisme en milieu rural. Si on a été créé, c'est au travers d'une entrée qui n'est pas celle que je viens d'évoquer, celle de l'urbanisme, mais une entrée plus spécifique qui était celle du logement. Il faut savoir que le territoire sur lequel on se situe est un territoire qui, depuis pas mal d'années, accueille de nouveaux habitants, majoritairement issus des zones urbaines, et qui, nouveaux habitants potentiels, qui à un moment donné se posent la question du logement. À un moment donné, venir sur un territoire rural, c'est se poser la question de son travail, c'est se poser la question des services qu'on peut y trouver, mais c'est aussi se poser la question du toit sous lequel on va s'abriter. Or, et c'est probablement pas spécifique au territoire sur lequel on se situe, l'accès au logement est somme toute assez difficile, malgré la très faible densité et malgré le grand nombre de logements que l'on peut considérer comme vacants, en particulier dans les cœurs de bourg. À partir de là, le constat qui a été fait et la perspective qui a été dressée, c'est de dire si on veut accueillir, à un moment donné, il faut donner des solutions en termes de logement. Et il faut qu'on se dote d'un certain nombre d'outils sur ce territoire très rural qui permettent de réouvrir la porte des logements. Ça, ça a été le point de départ. À partir de là, mais je vais très vite, on a élargi la question, on s'est dit, bon, ok, on peut résoudre des questions de logements spécifiques, mais plus généralement, c'est ce qui fait la qualité de vie sur ces milieux ruraux, ce qui fait la qualité d'ensemble, qui va jouer dans notre attractivité, dans la capacité de s'installer. Et là, on commence à toucher cette notion d'urbanisme, entendue comme une approche globale du territoire, certes en s'appuyant sur les bourgs, et vous l'avez évoqué dans votre introduction, il y a un certain nombre de paramètres qui sont déterminants, c'est-à-dire quels sont les services, quels sont disponibles ou à créer, quels sont les éléments de mobilité auxquels on peut accéder, quels sont les usages, les affectations de l'espace qu'on peut choisir collectivement sur un territoire pour permettre une qualité globale de vie et une réponse aux besoins des habitants actuels et à venir. Et c'est ça, c'est ce paysage-là, quelque part, qui a fondé la constitution de l'Arbran et qui a orienté, au fond, son action aujourd'hui. D'accord. Alors, j'avais introduit ma première question en partant de la définition, parce que c'est vrai que c'est rare que, quand on définit l'urbanisme, il y a une mot participative derrière, sincèrement. Et donc, Pierre-Antoine a fait très fort de trouver une définition qui est un mode, un processus décisionnaire. Alors, j'ai pris les notes à la volée, donc je vais complètement déformer, mais intégré et participatif. Hein, et donc, c'est une de vos clés de voûte. Hein, ouais. C'est même la grande particularité de l'action de l'Arbran, en l'occurrence. Hein. Il y en a une autre, c'est que vous êtes promoteur aussi. Alors, oui, je vais déjà répondre, je vais si vous voulez, le parti que l'on a pris dans notre manière de travailler, c'est de dire, au fond, ces questions d'usage de l'espace que vous évoquiez dans votre propos introductif, elles relèvent finalement de tout un chacun. Non seulement elles relèvent de tout un chacun, mais finalement, ce n'est pas obligatoirement la manière la plus commune que l'on a de travailler. Il y a très fréquemment une implication des élus, bien entendu, et au premier chef, ils sont responsables du devenir du territoire. Vous évoquiez la loi de 84, vous évoquiez le rôle des élus dans le devenir des communes. Ces élus travaillent fréquemment, de fait aussi avec des experts, bureaux d'études, etc., qui, vous le disiez aussi, souvent ont un prisme assez urbain, ne sont pas obligatoirement originaires du territoire, des territoires ruraux, ils ne les perçoivent pas, ne les comprennent pas toujours. Et par contre, il y a quelque part un angle mort, il y a un absent, fréquent, je dirais, que sont les habitants et qui sont au fond les premiers usagers de ces espaces ruraux. Et c'est un parti pris politique, certes, mais c'est un parti pris que l'on a retenu, qui est de dire, construire un projet d'urbanisme, se projeter dans le temps, regarder ce que sera le développement, regarder ce que sera l'avenir d'une commune, d'un village, d'un bourg, ça regarde tous ces acteurs que l'on vient de citer, les élus, bien entendu, les experts qui peuvent apporter un regard technique sur ces questions-là, mais bien entendu également les habitants. Partant de là, les méthodes que l'on applique dans le travail que l'on fait visent à intégrer et à faire participer l'ensemble de ces acteurs. D'où, du point de vue de la définition que vous évoquiez, on est en plein dedans. Oui, bien sûr, en plein dedans. Très bien. Alors, cette question du participatif, de la place, c'est un des enjeux, et je redemanderai à Pierre-Antoine de brosser les différents enjeux de l'urbanisme en milieu rural, mais je voulais vous faire rebondir, Mireille Charmonnier, parce que encore une fois, quand on a discuté en amont, vous disiez que sur le territoire qui est le vôtre, vous avez constitué un SCOT qui finalement a une taille qui permet la concertation. C'est peut-être intéressant qu'on en dise deux mots. Oui, donc nous avons très très récemment lancé notre réflexion sur le SCOT, il y a guère avec un an. Donc sur un territoire, le budget, c'est dans le département de l'Ain, au sud-est de l'Ain. Donc ce SCOT, c'est 64 communes, j'allais dire réparties à peu près à moitié entre des communes de moyenne montagne et des communes plus de plaine, avec le Rhône au sud-ouest et puis les montagnes sur le nord. Donc nous avons quelques difficultés à définir le périmètre, mais une fois qu'il a été défini, on a eu cette vraie volonté de vouloir associer tout le monde, et plutôt que de se lancer dans des réflexions parlant de la centralité des villes principales, Belley et Hauteville, et aussi Culoz, on s'est demandé comment associer toutes les personnes, y compris les citoyens. Donc on est parti sur une réflexion un petit peu singulière, où on a plutôt fait des... On est surtout parti dans des réflexions très transversales. On a parlé de notre ressource en eau, puisque on a bien conscience, nous aussi, que le problème climatique aura des conséquences sur notre capacité à distribuer de l'eau, donc d'accueillir des populations. On a prochainement une séance sur nos ressources du territoire, que ce soit l'aérolique, que ce soit la géothermie, puisqu'on a la chance sur notre secteur d'avoir un secteur industriel performant et important, puisque c'est le premier secteur industriel de l'Ain, sachant que le département de l'Ain est le premier département industriel de France, je pense que vous le savez. Donc si vous voulez, on est parti à travailler sur nos ressources. Donc on fait des réunions avec les élus, mais on fait aussi des réunions. Ces grandes réunions sont ouvertes à toute la population. C'est la première chose. Et l'autre angle d'attaque, même si tous les élus devraient se sentir concernés, on sait bien qu'un SCOT est géré par un syndicat avec une trentaine d'élus, et il faut bien associer tout le monde. Donc on a pris le parti de rencontrer chacun des maires. Nous avons dans notre SCOT une commune où il n'y a que 21 habitants. Donc comment est-ce qu'on intéresse une petite commune? Donc on est allé à la rencontre de chacun de ces maires, et plutôt que de parler de grands principes, eh bien avec eux, on travaille sur les liens de fonctionnalité qui nous unissent, que ce soit l'eau, que ce soit les écoles, que ce soit même les paysages. En parlant des liens, la fonctionnalité du paysage, on en vient automatiquement au problème de la mobilité, puisque, je vous l'ai dit tout à l'heure, avec les montagnes et la plaine, il y a quand même quelques difficultés. Donc, si vous voulez, avec ces liens de fonctionnalité, eh bien, c'est une vraie manière de s'assurer la compréhension, parce qu'il a fallu faire beaucoup de pédagogie, s'assurer la compréhension de tout le monde, parce que l'intérêt, ce sera bien d'avoir une vraie cohérence territoriale sur le projet. Voilà, donc ressources, repérer les ressources, repérer ce qui fait fonction commune au territoire et pour les mettre en valeur, et les ressources qui peuvent être ressources économiques. Est-ce que, Pierre-Antoine, vous pouvez nous brosser quelques points de repère de nouveau, notre universitaire de service, sur les enjeux de cet urbanisme rural, hein. On voit ce qui tourne autour de ce qui vient d'être dit, hein, c'est beaucoup la construction autour d'un projet de territoire. C'est l'urbanisme qui repose sur un projet de territoire. Il y a d'autres enjeux, ou déjà sur celui-là? Oui, c'est évidemment que pour moi, ce qui est très clair, c'est la richesse de cette notion de projet. Hier, il y a encore une manifestation d'agriculteurs. Bon, bien évidemment, chacun peut y dire ce qu'il veut. Ce qui est frappant, c'est cette question du rapport aux normes. Vous avez vu ce qui apparaissait, il y avait les prix et puis il y avait les normes. Et donc, c'est vrai que c'est quelque chose d'assez inquiétant de voir les territoires souvent se transformer en réceptacles de normes qui leur sont extérieures. Elles ne sont pas les auteurs de leurs propres normes. Et donc, va se jouer là des stratégies territoriales que je classe en trois catégories. Il y a ceux qui vont essayer de jouer avec les normes comme ils vont pouvoir. Ils vont les prendre à un moment donné, ils vont en prendre une, ils vont la transformer après une autre, etc. Puis ça aboutit quand même à une maladie qui est très clairement désignée, qui s'appelle la schizophrénie, et qui peut avoir des conséquences assez graves. Et la deuxième posture, c'est celle d'essayer de coordonner. Alors c'est ce que font les parcs naturels. Ce sont les champions de la charte qui fait plusieurs milliers de pages et qui coordonnent des normes extérieures, bien, etc. Et bon, ça marche un petit peu, mais ça reste extrêmement difficile. Et puis il y a ceux qui se mettent à construire leur propre projet. Vous savez qu'un projet, c'est caractérisé le fait qu'il a un auteur, hein, et cet auteur, il est unique. L'unicité du projet vient de l'unicité de son auteur. Alors là, la particularité, c'est qu'on a affaire à pas à un auteur, on a affaire à des territoires qui sont pas de nature diversifiée, mais que vient de dire madame, qui ont des ressources qui leur sont spécifiques, qui ont des problèmes qui leur sont spécifiques. Hein, si on se met à mettre en place un projet de territoire ou un territoire, c'est parce qu'on a un problème à régler. Et bien, l'essentiel, c'est d'arriver à détecter ce problème et à construire son propre projet. Et ce qui est intéressant dans la démarche d'urbanisme, c'est que cette qualité de projet a parfois une telle force, une telle puissance, qu'il a la capacité à transformer les normes des partenaires qui leur sont extérieurs. Alors, je ne vais pas faire l'apologie de Biovalet ni d'ici, hein, mais c'est quand même un exemple dans lequel il y a une longue histoire du territoire, il y a une appropriation du territoire, de ses ressources, de ses problèmes, hein, la TGV, etc., et qui arrive à construire un projet qui a une capacité à transformer les normes d'intervention de leurs partenaires qui sont extérieurs, par exemple, à hauteur de projets privés. Eh bien, je crois qu'on peut, avoir le même raisonnement au niveau de l'urbanisme, et que c'est la qualité du projet qui va reposer sur la spécificité du territoire, ses ressources qui leur sont propres, et qui va avoir capacité à coordonner des normes, voire parfois à permettre que les partenaires extérieurs transcendent leurs règles au service du projet du territoire. Et ça, je crois que ça, c'est vraiment ce qu'il faut avoir comme réflexion quand on parle d'urbanisme ou de projet urbain. C'est à la fois une vision, c'est à la fois une vision qui tienne compte de là où on part, du problème, et c'est un chemin qui est adapté à relier cette situation de départ avec cette vision, c'est-à-dire que ce ne soit pas un chemin qui soit trop difficile à franchir, mais qui tienne compte des ressources humaines, capacités humaines du territoire, ses capacités financières, mais aussi ses capacités d'organisation, qui souvent sont très très importantes, beaucoup plus importantes que ce qu'on croit. Alors, je vous propose qu'on revienne après sur d'autres enjeux de l'urbanisme, mais je proposerais bien, Stéphane Grasser, cette idée de chemin et de vision. C'est un peu... comment vous travaillez à l'Arban quand vous accompagnez une commune, une interco, sur ces enjeux d'urbanisme? Est-ce que vous travaillez sur cette idée de construire une vision et un chemin? Cette notion de chemin me paraît particulièrement importante. Vous évoquiez dans le dessin que vous venez de dresser, finalement, vous mettez en exergue, me semble-t-il, un des points caractéristiques peut-être pas tous les territoires ruraux, mais en tout cas de celui sur lequel je me trouve. C'est-à-dire qu'on est sur un territoire qui, au fond, de par la dépopulation progressive qui l'a concerné, de par le déplacement aussi des lieux de décision, de par l'importance du fait urbain, qui est aussi magnifié aujourd'hui par un certain nombre amplifié par un certain nombre de choix législatifs, on est sur des territoires qui sont, somme toute, inféodés au fait urbain. Je voudrais que je réponde là-dessus. Il y a deux micros, hein, et il y a la nécessité, me semble-t-il, de retrouver le chemin de l'émancipation de ces territoires. Ça ne veut pas dire le chemin de l'indépendance de ces territoires, mais en tout cas, la capacité à refonder un regard autonome qui soit le socle sur lequel le territoire soit en capacité de dialoguer, et vous évoquiez l'interprétation des normes, ces éléments-là, de construire un projet qui lui soit propre et qui soit capable de se construire de manière mature dans le dialogue avec les territoires périphériques. Et pour ça, il y a un chemin à emprunter, d'autant plus important qu'au fond, sur ces territoires, la question de l'urbanisme est, me semble-t-il, une question qui est, somme toute, finalement très peu appropriée. Vous parliez à un moment donné de la question de la répartition des droits à construire comme une forme de traitement de la question urbaine historique. Oui, et je trouve que, en tout cas sur le territoire sur lequel je me situe, souvent ça ne va guère au-delà de cela. Or, penser l'urbaniste, c'est une pensée du long terme, c'est une pensée qui est structurée, construite. On parlait de planification par exemple. Donc il y a un regard, il y a des acteurs à articuler, il y a des regards à articuler, il y a un avenir à construire collectivement. Et ça, ça n'est pas quelque chose qui est naturel aujourd'hui, hein, et qui l'est d'autant moins que l'ingénierie en milieu rural est somme toute relativement ténue. À partir de là, j'ai repris un terme que vous aviez évoqué, madame, il y a la nécessité de s'assurer de la compréhension de tous quant à ces questions-là. Et si chemin il y a, déjà, c'est un chemin du temps long, parce que ça, on ne le fait pas d'un claquement de doigts. Lorsqu'on se pose la question de l'association de tous à ces questions, il faut dans un premier temps passer au-dessus une sorte de délégitimation historique, et notamment des habitants, quant au fait de se saisir de ces questions. Quand on parle d'urbanisme avec des habitants des communes sur lesquelles je me situe, quand on met en place des ateliers collectifs d'urbanisme, quand je vais voir dans le cadre d'entretien sur une commune sur laquelle on pose la question de bah, qu'est-ce que c'est le bourg de demain de cette commune, la première des réponses que l'on me pose, c'est bah, je ne me sens pas légitime à parler de ça, moi, c'est pas, c'est, bah, y a des élus qui ont été élus pour ça, ou il y a peut-être. Il y a un vide, d'un certain point de vue. Et il y a donc toute une forme de culture à reconstruire, il y a toute une forme de légitimité à rebâtir. Et ça, c'est le premier temps de ce chemin-là. Ensuite, dans le processus, on aborde des questions plus techniques. On peut se poser la question, effectivement, on peut commencer à manipuler des outils, que ce soit des outils cartographiques, que ce soit des... On peut commencer à aborder la question des PLU, des PLUI, etc. Mais il me semble, en tout cas, pour les territoires en tout cas sur lesquels je travaille, que ces questions réglementaires, ces questions d'outillage réglementaire ne sont pas les premières, si on parle de chemin. Il y a une première question qui est qu'est-ce que c'est que penser l'avenir d'un territoire, comment se réapproprier tout simplement ces questions-là. Oui, c'est bien ce que j'entendais moi dans le propos de Pierre-Antoine quand il dit doubler, enfin il ne dit pas comme ça, mais doubler les normes, c'est plutôt que de subir les normes, on se met en chemin, on se projette, et ensuite ça devient un outil, la norme devient un outil qu'on utilise pour construire le projet. Je crois que vous êtes assez en phase. Alors, Pierre-Antoine, vous vouliez réagir sur l'inféodé. Alors, le mot inféodé me paraissait correspondre assez bien à ce que vous évoquiez quand vous disiez il y a des normes externes, et voilà, on peut les subir, c'est une forme d'inféodation. Alors que vous dites, on peut le dépasser, c'était l'inféodation au fait urbain qui vous... Ce qui m'interroge beaucoup, c'est la définition du rural. C'est-à-dire que maintenant, j'ai regardé aussi en préparant la matinée, la définition du rural, elle a évolué, bien sûr, des critères de densité, tout ça, mais maintenant, l'INSEE ne parle plus de l'espace rural, ça n'apparaît plus du tout. Il y a des pôles urbains, il y a des appartenances à des pôles urbains, et puis il reste à côté une catégorie qui s'appelle les communes isolées. Mais sans ça, on ne parle plus du rural. Donc on pense tout le rural en rapport avec l'urbain. Oui, donc c'est pour corroborer. Et donc là, je corrobore pour dire que là, il y a quand même un problème. C'est-à-dire que ce que je dis toujours, c'est que bon, ben, tomber en panne sur les montagnes herbéchoises la nuit, et là, vous comprendrez ce que c'est que l'espace rural. C'est positif de présenter l'espace rural. Mais ça, c'est pour le vécu. Alors, après, pour ce qui concerne le projet, ce qui m'intéresse, c'est quand même cette évolution de la légalité des territoires. Parce que là, ce qu'on nous dit actuellement, c'est qu'on assiste à l'affirmation des métropoles comme étant les seuls espaces de création de richesses de par leur capacité à être des interfaces, etc. Je crois que là, il est le moment de réagir. Il est temps de réagir en disant que... le rural a des capacités à créer son propre projet, là on l'a dit, mais aussi à en faire un projet d'autant plus riche qui sera un lieu d'interface entre des acteurs différenciés, puisque le rural devient aussi un creuset de mélange. Vous avez vu, il y a les habitants, il y a les nouveaux habitants, il y a les nouvelles économies, etc. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais dans l'actualité, on voit des communes rurales qui accueillent des réfugiés et qui l'accueillent avec plutôt du bonheur, c'est-à-dire que ça occupe des maisons anciennes, mais aussi ça crée de l'activité, et que dans le Gard, dans les Cévennes, que ça s'est passé. En Lozère, oui. En Lozère, oui. Et donc, je crois qu'il y a des exemples tout à fait enrichissants à méditer, mais qu'autour de tout ça, le rural acquérait des capacités de dialoguer, des capacités de relation avec d'autres territoires, avec les espaces urbains. Et pour être en relation, il faut exister et il faut avoir son propre projet. Et là, on va arriver de nouvelles fonctions de rural, de nouveaux espaces. Et en particulier, moi, j'en vois deux. Il y a l'alimentation. On parle de plus en plus de l'alimentation comme étant un nouvel espace de relation entre ville et campagne. Et aussi, un deuxième, c'est l'énergie. Hier, on était à Thouars, ce territoire en énergie positive. Et là, on voit un espace de richesse, d'invention, de relations, etc., qui font penser une autre forme d'égalité. Ce n'est plus l'égalité des places, ce n'est plus l'égalité des champs, etc., c'est l'égalité relation, par la capacité du projet. Et là, l'urbanisme aussi va avoir une capacité. L'espace aussi, je pense, vous évoquez l'alimentation comme un enjeu relationnel. Oui, l'espace, oui. Après on peut, multiplier, hein. Il y a la culture, il y a le, la capacité de, alors, de création. Je vais vous aider encore 30 secondes de micro par rapport à l'enjeu de la diversité des formes, ça me paraît important, on est en train de parler de la relation avec l'urbain. La spécificité de l'urbanisme rural, c'est aussi qu'on n'est pas dans un système généralement, très souvent, pas complètement polarisé, c'est ça votre idée de l'enjeu de la diversité des formes. C'est-à-dire que quand vous êtes souvent en urbanisme urbain, on a des formes autour d'un pôle central qui fait l'ensemble, voire deux, il y a Nantes-Saint-Nazaire qui est connu comme ça, etc. Trois avec Valence, Romans, et un tournant. Mais bon, quand on est en rural, on a beaucoup plus de formes. Alors il y a l'exemple de Di qui est unique, hein, le Di et le Diwan, mais je ne peux pas aller plus fort sans parler du Di et du Diwan, dans lequel le Diwan n'existe pas sans Di et le Diwan n'existe pas, sans Diwan. Mais il y a d'autres formes. Hier, j'étais donc à Tours, il y avait les Mauges qui étaient là, et ils décrivaient un SCOT avec 7 intercommunalités, mais 100%. Hein, sur cette intercommunauté. Et là, on a des formes totalement différentes. On peut avoir aussi des espaces... Avec des bourgs-centres, j'imagine, c'est-à-dire 100 villes-centres. 100 villes-centres, oui, des bourgs-centres, et encore, c'est pas... Les plus gros, c'était 700 habitants. C'était d'accord. Des formes qu'on peut voir plutôt dans l'Ouest. Et je crois que ça, c'est une particularité, c'est que les formes sont différentes. Et que ça fait partie de l'unicité, des ressources, etc., des rapports à l'espace qui sont différents, des rapports à la nature, à l'agriculture, etc., qui font qu'à chaque territoire va correspondre son propre projet et sa propre capacité d'avoir des relations avec d'autres territoires. Mireille, Jean-Ruinet, peut-être illustration de ce propos, alors, à la fois sur le projet que vous êtes en train de construire au niveau du SCOT, et puis la question des relations, hein, et peut-être des formes aussi. Voilà. Voilà, dans notre projet, effectivement, nous, on a bien un bourg-centre, mais notre volonté, ce n'est pas de lui donner une omniprésence, ou, parce qu'il y a véritablement des liens avec des bourgs secondaires qui ont des orientations, presque, non seulement, c'est pas seulement complémentaire, c'est vraiment différencié, notamment en matière de tourisme. Donc, où on va retrouver sur Hauteville et le nord de notre territoire toute l'activité liée au sport, à la neige, etc. Donc, on est bien, je pense que notre SCOT veut prendre tous les éléments de toutes nos diversités pour en faire une vraie force. Donc, c'est pour ça qu'au-delà de ces trois grands pôles, on tient tout à fait à faire apparaître les spécificités des autres bourgs au travers des liens de fonctionnalité comme je vous parlais. Mais c'est vrai qu'en faisant l'analyse de notre territoire, notamment par rapport au paysage, on se rend compte qu'on a à peu près 13 unités paysagères différentes. On ne peut pas... Et ignorer les formes de construction, par exemple, puisqu'on doit aussi prendre en compte tout ce qui concerne l'habitat. On ne construit pas de la même manière sur le plateau de Retor que au bord du Rhône, vers Brégny-Cordon. Donc là aussi, on a mis en place, on a commencé, c'est terminé, ça serait trop tôt, mais on a fait en sorte d'organiser des randos SCOT pour que chaque citoyen de chaque secteur puisse apprécier tout ce qui concerne l'habitat et faire en sorte qu'on puisse conserver cet esprit, l'esprit qui existe dans chacune de ces unités paysagères. Donc cet enjeu à l'intérieur du territoire, hein, que vous explicitez bien, qui fait que j'étais en train de m'imaginer ou d'imager ça en disant qu'ils vont faire un travail très ciselé finalement pour prendre en compte les spécificités de chacune des formes. Hein, oui. Ça sur les relations avec les voisins. Alors ça ne veut pas dire qu'on va vivre entre nous de façon étriquée, ça c'est pas du tout dans notre état d'esprit, parce qu'on vit beaucoup avec l'Isère, la Savoie, on rencontre Métropole Savoie, on a rencontré avant pays savoyard, ou plus au nord cette fois le Haut-Bugey ou la région du pays de Gex. Il faut savoir que sur le secteur de Bugey Sud, on a énormément de gens de la Savoie qui viennent travailler jusque chez nous, et que donc il faut bien aussi s'ouvrir à ces liens-là. En plus, tous nos liens, tout ce qui fait aussi nos liens de développement de territoire, ils passent par ces territoires voisins, puisque nous sommes sur un territoire qui n'a pas d'autoroute, et donc nous, on n'a que les voies d'accès sur ces autoroutes qui ne sont pas sur nos territoires. On est encerclé de grandes routes, mais on n'en a pas qui traversent. Alors, on veut le vivre comme un atout et pas comme un ennui. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas favoriser les voies pour rejoindre ces autoroutes. Il y a du travail à faire aussi. Et sans être, vous avez fait d'observation, de connaissance du territoire, des spécificités. Je le disais en balayant les enjeux que propose Pierre-Antoine Landel, je ne vais pas laisser le temps de tous les dire, mais un des enjeux, c'est porte sur la nature des articulations entre les différents espaces, espaces urbanisés d'une part, les forêts, les espaces agricoles naturels. Donc ça vous permet aussi de travailler là. Eh bien, oui, bien sûr, puisque on a 35% de notre territoire qui est concerné par l'implantation de la montagne, de la forêt. Donc, la filière bois est pour nous une richesse exceptionnelle pour laquelle il y a déjà énormément de choses entreprises et une reconnaissance de notre territoire par rapport à ça. Il y a une école qui travaille le bois, la filière bois est développée avec beaucoup d'installations de chaufferies bois, etc. Donc, il y a un vrai lien presque industriel de la filière bois. Merci. Vous aurez compris la proposition de ce temps-là, comme il va y avoir plein de temps, vous serez en petit groupe pour discuter, c'était plutôt de dialoguer avec nos invités. Toutefois, si vous avez des questions, des remarques, vous êtes bienvenus. Et il faut juste que je vérifie que ça fonctionne. Allez-y. En tout cas, c'est merci de vous présenter. Dominique Doré, coprésidente de Relier. J'ai pas entendu dans ce que vous avez dit des notions qui sont reprises par des paysagistes comme Gilles Clément ou par certaines unités du CNRS qui a l'air de dire que c'est dans les interfaces un peu les no man's land, là où personne ne va, que la biodiversité va être grande et que la créativité est grande et que c'est souvent dans les interfaces que démarrent des projets qui autrement auraient été un petit peu trop normés et ça n'a pas été du tout dans vos discours. Ce que vous voulez dire, c'est la biodiversité comme un élément de créativité C'est plutôt que les zones qui sont abandonnées sont souvent des zones de richesse et de créativité parce qu'elles ont pu, à la limite, pousser un peu méconnues. C'est même un concept qui a un nom, hein, il s'appelle l'innovation par les marges. Oui. Et je me permets de dire un petit mot pour dire que ça, je suis tout à fait d'accord, mais il ne s'agit pas de dire tout en l'espace de quelques minutes. Mais quand on observe l'évolution du monde rural, hein, si on veut regarder l'histoire aussi, là, on part d'une histoire d'un espace homogène, etc. Et si vous regardez maintenant les cartes, ou avec différentes variables, etc., vous voyez arriver un espace extrêmement différencié, avec plutôt la forme d'une mosaïque, avec des espaces qui sont très nettement caractérisé comme étant périphérique de dynamique urbaine, très marqué par des... Vous voulez dire qu'il y a de moins en moins de marge en quelque sorte. Si, quand même. Et vous voyez arriver des espaces très nettement marginalisés. Alors, bon, je ne vais pas employer la même expression pour la France, mais c'est vrai que je travaille aussi en Afrique du Nord, en Algérie en particulier, et vous voyez des communes complètement reléguées, hein, c'est-à-dire avec une rupture des relations, des conditions d'isolement qui sont assez terribles, etc., et dans lequel il y a la marge. Mais quand vous travaillez sur les marges, là, vous voyez apparaître exactement ce que vous dites, c'est-à-dire les capacités d'innovation, parce que, justement, le poids de la norme, il est probablement différent. C'est-à-dire qu'on est un peu relégué, mais ils ont probablement un poids moins fort, on a la capacité à créer, et souvent, l'innovation, elle est le fait d'arriver unique avec l'extérieur, mais d'une très bonne articulation entre des nouveaux habitants, des néo-ruraux et des habitants sur place. Ici, on est dans Biovallée, mais il y a une filière qui est complètement née sur ce modèle-là. C'est la filière de plantes aromatiques et médicinales qui est issue d'une articulation entre des néo-ruraux, souvent étrangers, et des agriculteurs locaux qui ont créé, en l'espace de 20 ans, plusieurs centaines d'emplois dans des entreprises nouvelles, avec cette articulation entre nouveaux habitants et agriculteurs sur place, dans des espaces plutôt marginaux, qui étaient considérés comme étant marginaux, mais qui maintenant retrouvent de la centralité. Et alors, à mon avis, il y a quand même une caractéristique qui émerge, c'est qu'il y a un changement du rapport au pôle. C'est-à-dire qu'avant, on considérait toujours tout ça comme étant hiérarchisé, la ville avait des services supérieurs, etc. Je pense qu'il faut quand même considérer l'arrivée d'Internet comme étant quelque chose de très très important. Ça donne ces acteurs-là, qui sont plutôt dans des milieux marginalisés, des capacités à avoir des relations avec des pôles très éloignés. Si vous discutez avec les industriels des plantes aromatiques et médicinales, ils sont tous les jours en surveillance avec l'Australie, l'Iran, etc., pour voir les conditions climatiques, etc., pour voir les conditions de plantation des plantes. Et ils n'ont pas besoin de leur pôle traditionnel pour le faire. Ils le font par Internet, et ça, c'est un changement vraiment très important. Mais je pense que vous avez raison. Le territoire rural comporte aussi des marges, mais ces marges sont extrêmement créatives dans certaines conditions d'articulation entre les acteurs. J'ai envie d'aller à fond la montagne. Enfin, quoi que vous nous disiez que vous accueilliez la population. Hein, donc, pour ça que le phénomène de périurbanisation, je vous disais qu'il allait quand même assez loin. Mais sur cette idée de la manière dont on s'empare des marges, de la créativité. Juste en termes de périurbanisation, on est dans des dynamiques d'accueil, mais on n'est pas du tout dans une logique de périurbanisation, c'est-à-dire qu'on n'a pas sur le territoire, on est à 1h15 de la ville la plus importante. Ça correspond plus à l'image. On n'est pas dans du pendulaire, hein. On est vraiment sur l'installation et sur beaucoup sur l'installation avec des choix de vie très forts. Voilà. Maintenant sur la question des marges, vous évoquez la notion d'innovation par les marges. Effectivement, je pense que, là aussi je me retrouve dans le propos, pour autant, aujourd'hui, le territoire sur lequel je vis, j'ai pas envie de dire que c'est une marge, au contraire, on est un centre. On est un centre du point de vue de l'innovation, du point de vue du développement de l'économie sociale et solidaire, le plateau de Millevaches dans la région Limousin et demain dans la grande région avec l'Aquitaine et Poitou-Charentes, sera certainement un des territoires sur lequel l'économie sociale et solidaire est un des secteurs les plus développés qui soit, les plus dynamiques. On est probablement, sans fausse modestie, un des territoires sur lesquels l'innovation sociale est parmi les plus importantes. Et là, vous illustrez complètement le propos de madame. Voilà. Donc, vous évoquez justement cette dynamique, ces mutations, quelque part, que connaissent ces territoires, et notamment au travers des évolutions démographiques et sociales qui sont engendrées par ces installations, qui font, au fond, que, de marge d'un certain point de vue, la place de ces territoires est en train de totalement muter dans le dialogue, dans le rapport aux autres territoires. Alors, il nous reste très peu de temps, mais j'aurais bien voulu garder le micro, Stéphane, que vous illustriez un autre enjeu qu'évoque Pierre-Antoine. Je veux dire. Là, c'est la question des ambiances faites de formes, de lumière, de saveurs, de lieux de rencontre, à l'origine d'émotions et de nombreuses formes d'attachement. C'est quelque chose qui vous parle quand vous accompagnez vers l'urbanisme des bouts de territoire de chez vous. C'est quelque chose qui me parle d'autant plus que dans la démarche de travail que l'on met en œuvre lorsqu'on bosse sur une commune, c'est probablement une des clés d'entrée qu'on a quand on travaille avec les habitants. Pour développer un peu la méthode, lorsqu'on bosse sur une commune, sur un bourg qui nous interroge sur son propre devenir, la manière que l'on a travaillé, je travaille très souvent justement avec un paysagiste, vous évoquiez la question du paysage, donc des ambiances justement, des choses assez impalpables. La première chose que l'on fait, c'est d'aller se promener. Vous évoquiez aussi vos randoscotes. Les randoscotes, oui. Bon, les randos-mille-vaches. Alors, c'est pas les randos-mille-vaches, hein, mais en tout cas, la première chose que l'on fait, c'est d'aller se promener. Alors, il s'avère que par ailleurs, je suis accompagnateur en moyenne montagne, donc accompagnateur de randonnée. Au fond, quelque part, dans les démarches de travail que l'on mène, j'allie mes deux métiers. Et la première chose que l'on fait avec les gens, c'est justement, si on travaille sur un bourg, par exemple, c'est d'aller faire le tour du bourg. C'est d'aller, à travers ça, interroger la perception que tout un chacun a de l'espace dans lequel il vit. Tout un chacun est capable de dire, bah tiens, là, quand je vais me balader, je vais là. Ah oui, vous allez là, pourquoi? Ben, je vais là pour telle et telle raison, parce que c'est chouette, pourquoi c'est chouette, etc. Et là, on décrypte, on tire le fil. Et tout ce fil qu'on va tirer, qui relève dans un premier temps d'une perception très sensible de l'espace, derrière, ça se traduit par des questions d'aménagement, ça se traduit par des questions d'affectation de l'espace. Sur le territoire sur lequel on se situe, c'est un territoire sur lequel la forêt a pris une ampleur considérable au cours de la deuxième partie du XXe siècle, alors qu'il n'y avait pas de forêt à l'origine. Ça, c'est des choses qui, historiquement, sont très sensibles dans la mémoire des gens. Le fait de pouvoir se promener avec eux et d'arriver sur un petit sommet et dire, bah, tiens, on ne voit plus rien. Ah oui, mais avant, c'est là qu'on allait cueillir les myrtilles, puis on voyait jusqu'au lac machin qui est là-bas. Et aujourd'hui, on ne voit plus rien. Le fait de recueillir une parole qui est dit, bah, aujourd'hui, on vit comme des fourmis. Voilà, les choses qui m'ont été dites, on vit comme des fourmis, on vit sous les arbres. On est dans le sensible. Et tout ça, ça a des traductions du point de vue de l'aménagement de l'espace. Ça se traduit par une tentative de desserrement de l'emprise forestière autour des bourgs, par exemple, par un travail sur des chartes forestières, par un travail sur demain qui pourra se traduire dans un PLU, PLUI, etc. Donc cette question elle est déterminante dans l'entrée, dans l'appropriation des sujets. Alors, le temps qui nous est imparti est quasiment terminé. Je vais quand même poser une dernière question à Charles Mounet. Toujours dans cette question, je lis Pierre-Antoine, hein, qui parle des questions d'ambiance, de fait de forme, etc., qui a très bien illustré Stéphane Grasset. Il ajoute « La forme du village en est la représentation idéalisée, mais les aménagements risque de le fragiliser. » Alors, est-ce que c'est quelque chose que vous touchez du doigt, que vous essayez d'approfondir? Je l'ai plus senti, alors cette fois, en tant que maire et dans le cadre de la révision de notre PLU. En fait, la première révision, si vous voulez, pour moi, ça a quand même été la découverte vraiment fondamentale de ma commune, la réalisation d'un projet avec des orientations, qu'on a respecté, etc. Mais l'important aussi, quand on a un document d'urbanisme, c'est de le suivre, de l'évaluer, de voir si vraiment ce que l'on avait prévu s'est réalisé et comment ça s'est réalisé. Peut-être que ça s'est réalisé, mais on voit qu'on n'a pas forcément pris toutes les bonnes mesures dans la réglementation, dans le règlement du PLU, pour pouvoir garantir, je ne sais pas, soit l'alignement de certaines maisons, soit les couleurs, les formes de toit, les implantations. Et aujourd'hui, avec plus d'acuité, l'orientation par rapport au soleil, par rapport à, pour se garantir des ressources d'énergie. Mais c'est quand on a dernièrement révisé notre PLU, dans notre cahier des charges, ce que l'on a indiqué à l'urbaniste, c'était bien d'essayer de revoir les choses avec nous, de conforter ce qui existait et d'essayer d'aller encore plus loin dans le sens de l'appropriation paysagère et de faire en sorte aujourd'hui dans ce travail de confortation, qu'on aille jusque dans le petit détail qui fasse bien mettre en valeur ce qui fait parler de notre village, qui détermine notre village. Identité. Ouais, notre identité. Merci. On va terminer sur cette illustration d'Artema. Je vous propose d'abord de vous remercier, Stéphane Grasset, Mireille Charmant-Millet et Pierre-Antoine Landel. On vous retrouve en fin de journée où on vous fera réagir à ce qui aura été bouillonnant dans les travaux d'après-midi. Et je propose à Patrick Grimaud de vous redonner les indications précises pour aller aux travaux d'atelier.